Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9. 2. Nature de la compassion de Marie. Ayant ainsi considéré le dessein divin de la compassion de Marie, autant qu'il était en notre pouvoir de le faire, nous pouvons maintenant passer à notre seconde question, la nature et les traits caractéristiques de la compassion. Que faut-il entendre par le mot compassion? Toute douleur que l'on ressent pour la passion de notre Seigneur est compassion avec lui. Les contemplations des saints, leurs extases chaleureuses, leurs stigmates et leurs couronnes d'épines, les marques des emblèmes de la passion sur la chair de leur cœur, et les sympathies intérieures et miraculeuses de leurs âmes avec la passion, sont autant de formes nombreuses de compassion, dans le sens théologique de ce mot. Les larmes aussi, les prières et les pieuses méditations des chrétiens ordinaires, les pénitences de la semaine sainte, tant parmi les séculiers que parmi les religieux, l'exercice fréquent des stations ou l'union à d'autres dévotions pour la passion, peuvent être appelées compassion, dans le même sens exact. Il semble donc que toute affliction dont la passion est la cause, toute affliction qui est dans nos cœurs l'écho de la passion, que cette affliction prenne la forme de prière, de pénitence, ou d'œuvre de miséricorde envers autrui. Ce que nous entendons par le mot compassion, c'est une grande partie et véritablement une partie indispensable de la vie profondément intérieure d'un vrai fidèle. Plus le cœur dans lequel elle existe est saint, plus en est étroite l'union avec la passion vivifiante de notre Seigneur. L'intimité et la beauté mystique de cette union dépendent de la vigueur des opérations de la grâce, de l'intensité de la volonté qui s'identifie à la volonté de notre Sauveur, de l'absence de tout péché et de l'amour de soi-même qui seraient des obstacles à la plénitude de l'union, ou un retard aux opérations de la grâce, et enfin de la tendresse du cœur et de l'oubli de soi-même résultant de l'amour extatique qui accompagne cette union. En tous ces points, la compassion de la Sainte Vierge est au-delà de toute comparaison avec la compassion des saints, et tellement au-delà, que nous pouvons réserver ce mot pour elle, et employer des mots différents et plus ordinaires pour exprimer l'union des saints avec les souffrances de notre Seigneur. Mais, en fait de coopération, comme non seulement la Sainte Vierge coopéra avec Jésus dans le même sens que les saints, quoiqu'à un degré bien supérieur, et comme elle coopéra aussi plus intimement avec lui par des moyens auxquels les saints ne pouvaient participer, ainsi en est-il de sa compassion. Celle-ci fut simultanée avec la passion, et elle eut lieu en présence même de la passion. Il est assurément remarquable que toutes les douleurs de la Sainte Vierge sont comprimées dans les 33 années. Aucune d'elles n'arriva dans les 15 premières années, ni pendant les 15 dernières. Elles vinrent de la présence de Jésus, elles étaient le contact même du cœur de Jésus avec celui de Marie. La présence actuelle de la compassion de la Sainte Vierge au temps et au lieu de la passion, donne à la compassion une union avec la passion, dont nulle autre douleur ressentie, à cause de notre Seigneur, ne peut participer. La compassion fut une partie du mystère vivant lui-même. Elle ne fut pas le résultat graduel d'une longue méditation. Elle ne fut pas l'affliction ressentie dans la calme réclusion d'un cloître sans distraction, ni une pieuse émotion excitée par le cérémonial merveilleux d'une église croyante. Elle ne venait pas de la littérature, ni du rituel, ni de l'histoire, ni d'une révélation particulière, ni du mysticisme, ni de l'art, ni de la poésie, mais du spectacle et des bruits de la passion elle-même, dans laquelle elle était immergée, et de laquelle elle formait une partie intégrante. La compassion fut une partie de la vie de notre Sainte Mère. Elle fut une série d'événements qui lui arrivèrent à elle-même, de douleurs extérieures résultant de ses blessures intérieures qu'elle se faisait à elle-même. Marie avait des droits distincts qui lui donnaient un titre pour participer à la Passion. La compassion n'avait pas besoin de lui être transférée par la grâce, l'amour, par participation ou par le pouvoir de la foi. Elle lui appartenait déjà comme mère. Dans sa compassion, Marie souffrit dans leur réalité tous les maux et toute l'ignominie de la Passion. Elle était au milieu de la foule, elle y était coudoyée et raillée, elle était effrayée par le tumulte, sa tranquillité intérieure était assaillie par l'agitation et l'horreur qui éprouvaient ses sens. Tout cela est vrai de la compassion de Marie, et de la sienne seulement. De plus, sa compassion fut une partie de la Passion en ce sens que l'une accroissait réellement l'autre. Avec Judas, Anne et Caïphe, avec Pilate et Hérode, avec les soldats romains et la populace juive, il nous faut compter Marie parmi ceux qui déchirèrent le cœur de notre Sauveur par l'affliction. Nous sommes en droit de supposer qu'excepté l'abandonnement de son Père, il n'y eut pas, dans toute la Passion de Jésus, une peine égale à celle que lui causait la vue du cœur brisé de sa mère. Ainsi, la compassion de Marie était partie intégrante des souffrances de Jésus. Toute belle, toute sainte qu'était la compassion qui était par elle-même une adoration et un véritable fruit du ciel, pour Jésus elle n'était simplement qu'une angoisse. Quoique Jésus aima ardemment l'âme de chaque homme, et que, par conséquent, il aima collectivement toutes les âmes, d'un amour brûlant dont l'immensité dépasse nos conjectures, néanmoins, l'âme de sa mère était pour lui un objet d'amour prodigieux et bien loin au-delà de ce qu'il sentait pour toutes les autres créatures ensemble. Aussi, la voir, au sein de la tempête, le jouet des flots sur un sombre océan de maux sans nom, cela seul était pour lui une cruelle torture, mais lui-même était la cause de ces maux. C'est à lui qui les versait de son âme dans la sienne à chaque moment séparé, à chaque ignominie, à chaque peine, à chaque outrage, à chaque indignité. C'est à lui qui étendait les membres de sa mère sur l'instrument de torture, c'était lui qui la soumettait sans cesse à une torture passant de bien loin les limites de ce que la nature humaine peut endurer, c'est à lui qui épaississait autour d'elle les plus tristes ténèbres. Et tous ces maux, c'était lui seul qui les lui faisait souffrir. Sans Jésus, Marie n'aurait pas eu de douleur à endurer. C'était l'embrassement de Jésus qui était l'agonie de Marie. Pour celui de tous les cœurs qu'il aimait le mieux, il était une croix brûlante. Et puis, toute cette amertume immense qu'il avait versée de lui-même en Marie, il l'a reversée en lui-même sans l'enlever de Marie. Cette amertume rentrait dans le cœur sacré de Jésus, comme une autre passion, un autre monde d'affliction, un autre déluge de douleur. Ainsi, la compassion de Marie sortait de la Passion et y rentrait, de sorte qu'entre les deux il y avait plutôt une identité qu'une union. La compassion de Marie était la Passion sous une de ses formes. C'est ce qu'expriment ces paroles de la Sainte Vierge adressées à Sainte Brigitte. L'affliction du Christ était mon affliction, parce que son cœur était mon cœur. Car, comme Adam et Ève ont vendu le monde pour une seule pomme, mon fils et moi nous avons racheté le monde avec un seul cœur. Par suite de la simultanéité de la compassion de Marie avec la Passion, par suite de ce qu'elle en fut même une partie intégrante, il y entra le caractère de sacrifice et d'expiation qui appartenait à la Passion. Et cela à un degré et d'une nature qui n'appartiennent pas aux afflictions des saints. Comme la Passion fut le sacrifice que le Christ fit sur la croix, De même la compassion fut le sacrifice de Marie au-dessous de la croix. Ce fut l'offrande faite par Marie au Père éternel. Ce fut une offrande faite par une créature sans péché, pour expier les péchés de ses semblables. Leur gain était pour elle une perte. En allégeant leur cœur, elle surchargeait le sien. Ses ténèbres étaient leur lumière. Leur paix était son agonie. Son fils était leur victime. Leur vie était son terrible martyre. Son offrande montait au ciel avec celle de Jésus. Ces deux offrandes étaient comme deux grains d'encens sur les charbons brûlants d'un seul encensoir. Elles s'élevaient comme un parfum varié vers le trône de Dieu, en formant les mêmes spirales légères d'une fumée azurée évidemment différente, et pourtant tout à fait inséparable. Les soupirs étouffés du cœur de Marie, de ce cœur qui se brisait, s'élevèrent vers le ciel en même temps que le bruit de la flagellation. Quand la multitude demanda à Barabbas et que les cris qu'elle poussa retentirent avec force dans les profondeurs du ciel, l'agonie de Marie s'éleva aussi comme une douce musique, au milieu de la clameur féroce, jusqu'à l'oreille du Père. Avec les bruits sourds du marteau, les palpitations du cœur de Marie montaient et se déposaient au pied du trône, et ne passaient pas inaperçues. Ses aspirations secrètes fendaient l'air et montaient aussi rapidement que les sept paroles que prononça Jésus sur la croix. Le cri qu'il fit entendre en expirant fut entendu deux fois dans le ciel. La seconde fois, ce fut lorsqu'il y retentit comme un écho en sortant du cœur de Marie. Ainsi, durant les heures de la Passion, chaque oblation était double, l'offrande de Jésus et celle de Marie étaient réunies en une seule, allant du même pas, composées de la même substance, embaumées des mêmes parfums, censurées par le même feu, elles étaient offertes avec des dispositions semblables. Ainsi, la compassion de Marie a un caractère particulier de sacrifice d'expiation. Le monde a été racheté par la passion de notre Seigneur, mais il n'y eut jamais de séparation dans les décrets de Dieu entre la passion de Jésus et la compassion de Marie. Ces deux choses n'étaient qu'une oblation simultanée, entrelacée dans le tissu serré des mystères de ce temps redoutable. Cette oblation était faite au Père éternel par deux cœurs sans tache, les cœurs du Fils et de la Mère, pour les péchés d'un monde coupable, dont il avait librement accepté les démérites. Il n'y eut jamais aucune douleur humaine sanctifiée, unie et mêlée avec la douleur de Jésus qui rachetait le monde, comme le fut la compassion de sa Mère. La compassion de Marie était, en outre, un exemple pour l'Église entière. C'est là une partie de l'enseignement des quatre évangiles. La compassion remplit une fonction pour tous les âges du monde, c'est une source continuelle de sainteté au milieu de chaque génération des fidèles. C'est une puissance vivante qui répand la grâce parmi les enfants de Dieu. Elle conduit réellement des multitudes d'âmes à Jésus. Elle brise les liens du péché et des mauvaises habitudes. Elle fond la froideur de nos cœurs et stimule les affections tièdes des âmes engourdies et mondaines. Elle répand la lumière et la tendresse, l'esprit de prière, l'amour de la souffrance, la soif de la pénitence dans des âmes sans nombre, entre l'aurore et le crépuscule de chaque jour. Et dans tout l'espace du monde, d'un pôle à l'autre. Elle forme des saints, elle anime des ordres religieux, elle est le modèle d'une vie spirituelle spéciale pour chaque âme. Elle monte au ciel comme un cantique angélique et sans fin. Elle résonne partout dans l'Église. Elle répond éternellement comme un écho, de cet endroit profond. Le temps et l'espace lui sont tout à fait étrangers. Siméon annonce toujours ses prophéties, et nous les entendons, et c'est pourquoi une tristesse, qui dure toute notre vie, Accompagne notre persévérance dans les voies de la grâce. Marie s'enfuit encore en Égypte et y demeure, et auprès coulent le Nil et les ombres, qui sont dans nos âmes les substances de la grâce. Encore, pendant 3 jours, la mère, privée de son enfant, erre, l'esprit rempli de ténèbres, cherchant son enfant, et le trouvant enfin dans le temple. Puis encore, elle le retrouve avec la pesante croix sur ses épaules, et, pendant ce temps-là, nous rencontrons Jésus en Marie. Elle est encore au pied de la croix, appelant tous ses enfants vers elle. Elle est encore à la descente de la croix et à l'ensevelissement, répétant, maintes et maintes fois, ces mystères pathétiques dans les cœurs nouveaux que les enfants de toutes les générations lui donnent. Ainsi, la compassion de Marie ne lui appartient pas à elle seule. Elle représente authentiquement, et avec autorité, l'Église entière sur le calvaire. Marie était présente à la Passion, pour ainsi dire, officiellement, et dans une double qualité, comme coopérant, avec le Rédempteur, et comme représentant les âmes rachetées. La compassion de la Sainte Vierge peut encore être étudiée sous un double point de vue, selon que nous considérons notre Seigneur comme Dieu ou comme homme. Comme Dieu, sa nature divine fut horriblement outragée par la Passion. Tous les péchés du monde, mis ensemble, ne voilèrent pas la gloire de Dieu d'une manière aussi affreuse ni aussi sacrilège que le péché qui servit à Jésus à accomplir la rédemption du monde. Jamais la déloyauté des créatures rebelles ne fit une si profonde impression sur l'honneur divin ni ne sembla mettre en danger, d'une manière si inexprimable, la souveraineté de Dieu. Ceci est une manière d'envisager la Passion, que nous ne devons jamais perdre de vue. La Passion aurait eu besoin d'une autre Passion pour être expiée. Il aurait fallu une seconde Passion afin de satisfaire à Dieu pour la première. La compassion de Marie remplit cette fonction. Le péché produisit une double Passion, une en Jésus, et une en Marie, mais la produisit sans un double péché. De sorte que la compassion n'avait pas besoin d'expiation, quoique, s'il en eût été autrement, il y avait assez d'expiation dans la Passion pour expier celle-ci et la compassion. Mais Marie se tint au pied de la croix comme le ministre de la gloire de Dieu. Les douleurs de Marie, même quand elles sont de nouvelles douleurs pour Jésus, sont aussi la réparation qui se rapproche le plus de la perfection qui puisse apporter les créatures. Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que la réparation est un élément essentiel dans toute sainteté. Or, si la sainteté réunit de tous les apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, s'était vouée sur la terre, jusqu'au jour du jugement, à l'œuvre unique de réparation pour la Passion, et, bien considéré, toute l'action de l'Église est en effet une réparation pour la Passion, alors même, disons-nous, la sainteté ne pourrait, à la fin du monde, avoir produit une réparation qui se rapprocha d'une réparation aussi complète que la compassion de Marie. Cette compassion surpassa, en sainteté efficace, toute autre réparation, elle fut offerte à la nature divine de notre Seigneur instantanément, et même simultanément, avec l'outrage. Et d'une manière en quelque sorte coextensive avec l'excès de cet outrage. La réparation venait de la propre Mère de Dieu, ce qui la rendait incomparablement plus agréable que tout autre. Elle s'accordait, avec la Passion, en nature, en manière, en méthode et en degré, comme toute autre chose n'eût pu le faire. Enfin, la compassion tirait son efficacité de son union réelle et vitale avec la Passion plutôt que de sa propre valeur. La compassion de Marie était la réparation qu'elle faisait à son Fils comme Dieu. Si Marie, au pied de la croix, fut le ministre de la gloire de notre Seigneur, elle ne fut pas moins le ministre de son humanité sacrée. À un point de vue purement humain, nous pourrions être surpris de la présence de Marie sur le calvaire. L'échafaud de son Fils n'était pas la place convenable pour une mère, nous aurions pu nous attendre à ce que le Fils pût épargner cette agonie à sa mère. Mais elle était le ministre de l'incarnation. Elle était sa seule parente humaine. Elle représentait dans sa personne l'obéissance humaine dans laquelle le Verbe incarné avait vécu, et qui devait, comme l'apôtre l'a remarqué, caractériser la mort de Jésus aussi parfaitement qu'elle avait marqué sa vie. Jésus avait demandé le consentement de Marie pour prendre sa vie en elle. Quand Jésus lui infligea sa douleur la plus cruelle, en la quittant à l'âge de 12 ans, il montra en même temps son obéissance à sa mère en retournant à Nazareth pour 18 ans. Ce fut à sa prière qu'il commença ses miracles. Il avait obtenu sa permission pour exercer son ministère public. Il avait daigné demander à sa mère son consentement et sa bénédiction pour sa passion. Peut-être le cœur de Jésus a-t-il demandé silencieusement au cœur de Marie la permission de mourir. Dès le commencement, Jésus et Marie n'avaient jamais été séparés. Il semble qu'il y ait eu dans l'incarnation une sorte de loi qui s'y opposait. L'assomption de la Sainte Vierge, son couronnement et son trône de médiation ne devaient être que les dernières applications de cette loi. Maintenant que Dieu nous a fait voir les 33 années dans leur perfection comme un tout, nous voyons que l'absence de Marie, du calvaire, aurait blessé nos instincts chrétiens autant que si elle eût été absente de Bethléem ou de Nazareth. Elle était le ministre de l'incarnation, tout repose là-dessus. Marie n'avait pas plus le droit de descendre du calvaire, qu'un prêtre n'aurait celui de quitter l'autel au milieu du sacrifice de la messe. Il y aurait eu en cela une inconvenance. Le 25e jour de mars, Jésus avait reçu son précieux sang de Marie, il faut qu'une seconde fois, le 25 du mois de mars, elle préside à l'effusion de ce même sang. Il faut qu'elle enveloppe l'homme comme elle a enveloppé l'enfant. Il faut qu'elle le couche dans le tombeau, elle qui l'avait couché déjà dans la crèche. Il faut que Marie préside à la fin comme elle a présidé au commencement. Il faut que le Saint-Esprit l'enveloppe de son ombre à la fin comme il l'a fait au commencement. De même qu'elle avait attendu 15 années pour la venue de Jésus, elle devait attendre aussi 15 années après son départ. Le sacerdoce de Marie consistait dans cette continuité de ministères envers Jésus. Sa maternité n'était pas pour Jésus seulement un moyen, une occasion, un instrument, un accès, mais un ministère durable, sous lequel s'accomplit l'obéissance de Jésus. La maternité de Marie était sa compassion de Bethléem, et sa compassion fut sa maternité du calvaire. Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.